Et on va enchaîner avec quelque chose qui m'a mis en colère tout à l'heure, Romain, les Power Rangers. Ouais, les Power Rangers. ça me fait penser à ma jeunesse. Alors pourquoi les Power Rangers? Je l'ai acheté parce que je me suis dit, oulala, ça ressort, c'est cool, c'est mon enfance, je sais pas, je vais avoir 6 ou 7 ans quand ça passait sur TF1. Donc bon, bah, je pense que comme beaucoup de lecteurs ce mois-ci, je me suis laissé tenter. Si bon, allez, en plus, la couverture est vraiment belle. Franchement, la couverture donne très très envie. À l'intérieur, c'est plutôt bien dessiné au premier abord. Hein. Henry Prasetta fait du bon travail. Kyle Higgins me dit quelque chose, donc allez, hop, on prend. Et donc, bah, ça commence tout simplement au moment où le Ranger Vert a rejoint les Power Rangers. Je sais pas si ça vous souvenez de cette époque où le Ranger Vert tenait avec Rita et tout ça. Oh bah oui, quand même, cette saga en 6 épisodes, c'est un truc interminable. 6 épisodes pour cette saga du Ranger Vert, bah oui. Effectivement, pour nous, ça faisait 2 mois d'affilée à l'époque. C'est mercredi, donc c'est juste après l'arrivée du Ranger Vert. Et donc, on a les Power Rangers qui doivent s'allier tranquillement, mais qui doivent commencer à faire confiance au Ranger Vert. C'est pas évident, parce que pendant un long moment, ça a été leur ennemi. On a des Power Rangers qui sont plus adultes, entre guillemets bien sûr, plus sérieux, parce que et on sent que à Angel Grove, il y a un vrai risque. On sent que, je sais pas si vous vous rappelez quand on regardait les épisodes à l'époque, honnêtement les méchants, ça faisait pas du tout peur. On voyait 3-4 personnes qui couraient dans tous les sens dans le centre-ville, mais on n'avait pas du tout de sensation de risque, de peur, de bâtiments explosés. Enfin voilà, c'était les bâtiments en carton-pâte, mais il y avait pas vraiment de, enfin on voyait pas de dégâts, on voyait jamais de dégâts. Alors que là, on sent qu'il y a une notion de risque beaucoup plus épais. On sent que dès qu'il y a une alerte, tous les élèves doivent quitter les cours. Les habitants ont vachement plus peur en fait. C'est un peu plus ancré dans le réalisme. On voit aussi que les personnages, ils ont vraiment peur de Rita Repulsa, ce qui n'était pas du tout le cas dans la série, puisque on voit qu'ils ont peur d'être attaqués d'un point de vue personnel, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive à s'introduire chez Tommy. Chez Tommy. Enfin, c'est en fait les Power Rangers comme on les a connus, mais avec une petite dose de sérieux en plus. Après, c'est vraiment dur de. Enfin, moi personnellement, à la lecture comme ça, j'aime bien. Mais est-ce que j'irai acheter la suite? C'est dur de. C'est dur. Franchement, c'est dur de décider si j'achèterai la suite parce qu'honnêtement, je ressens pas vraiment l'envie en fait. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais. Anthony, c'est bien, donc il a pas lu par. Déjà, de base. Puis Power Rangers, Anthony, je crois pas que ce soit sa cam. Hein. Non, voilà. Mais enfin moi qui ai lu aussi, du coup, bien sûr que je vais aller lire le deuxième, bien sûr que je veux ça, que j'ai déjà lu la suite d'ailleurs en VO. Mais carrément. Mais après, il y a l'esprit nostalgique qui fonctionne à mort sur ce genre d'album. Écoute, c'est ça qui m'a donné envie d'acheter le premier, mais j'irai pas forcément acheter le deuxième. Par contre, il y a à la fois les Power Rangers qu'on a connus étant gamin. Ouais. Mais ils ont un petit truc de changé, ils ont un petit truc de 2017, quoi. Ils sont plus dans notre époque, ils sont effectivement plus, entre guillemets, réalistes, si tant est que ce soit réaliste. Exactement. Parce qu'on est quand même, il y a quand même toujours Zordon qui est là dans son tube, enfin voilà. Et le petit, je sais même plus son nom, le petit robot. Alpha, oui, merci. Il y a ce petit côté un peu plus, un peu plus moderne, on va dire. Et puis il y a quand même, on n'est pas dans une adaptation pure et simple de la série télé. C'est ce que j'avais peur de voir quand j'ai su qu'il commençait à la suite de cette saga du Ranger Vert. Je me suis dit merde, Bulk et Skull, là, les deux gros lourdeaux, là, ne sont pas les mêmes que ceux qu'on avait dans la série. Il y a quand même c'est intéressant la façon dont ils sont traités là. Ils sont intéressants, les relations entre les rangers, on voit bien que c'est la confiance, c'est pas le bisounours qu'on pouvait nous montrer forcément dans la série aussi. L'intégration du Ranger Vert, elle se fait pas comme ça. Non, c'est intéressant. Là, ils ont tous des doutes. Hein. Enfin, Jason a peur de se faire prendre sa place de leader par Tommy. Billy, le Ranger bleu, je précise, et il est pas confiant parce que il a pas l'impression d'être un bon combattant. Zach, il fait pas du tout confiance à Timmy. Enfin, c'est vrai que les relations entre les persos sont vraiment pas si bonnes que ça, quoi. Non. Donc voilà, c'est intéressant. C'est une version un peu modernisée. Le Ranger Rose va avoir droit à sa série aussi. Non, ça, moi, cet univers Power Rangers me plaît bien. Par contre, j'ai fait une erreur. C'est que j'ai lu ça après avoir vu le film. Oui, j'ai vu le film. C'est le moment d'en parler. Et du coup, j'ai tellement aimé le Ranger Bleu du film que du coup, j'étais dégoûté de retrouver l'autre. En fait, mais bon, après, c'est autre chose. Voilà. Mais du coup, ça m'a un petit peu. Oh merde, quoi. C'est Paris, c'est pas le même. Paris, c'est passé du film, effectivement. Donc, du coup, d'ailleurs, je sais pas si tu l'as vu, toi, le film. J'ai pas eu le temps. Je devais, mais j'ai pas eu quoi le temps. Ouais, bah, je m'attendais pas à avoir un bon truc, et finalement. Non, c'était très sympa. Mais c'est pas le sujet. Donc, du coup, pour ma part, ça sera un bon 8 sur 10. Ouais, j'ai envie de continuer, j'ai envie de voir la suite. Ça fait plaisir de se retrouver à 10 ans. Oh, ça serait dans du l'ordre de 6,5, 6,5, 7, quoi. Pas plus. Okay.